tombent les pleurs des amours perdus. Amour perdu, amour perdu. En pluie de bonheur nous sont-ils rendus. Sont-ils rendus, sont-ils rendus. Je revois l'enfant qui cherchait sa mère. C'était sur l'écran quand tremblait la terre. On montrait aussi là-bas en Asie toutes les misères que faisait la guerre. Où tombent les pleurs des amours perdus. Amour perdu. En pluie de bonheur, nous sont-ils rendus. Sont-ils rendus, sont-ils rendus. Je vois le virage, l'auto déportée, la mort qui saccage et ma vie brisée. Mais le beau visage que j'ai tant aimé, de notre visage prends un peu les traits. Où tombent les pleurs des amours perdus. Amour perdu, amour perdu. En pluie de bonheur nous sont-ils rendus. Sont-ils rendus, sont-ils rendus. Si mon cœur se blesse à des souvenirs, parfois il s'adresse aux jours à venir et les grands yeux doux à jamais fermés dans d'autres yeux doux semblent s'éveiller. Où tombent les pleurs des amours perdus. Amour perdu, amour perdu. En pluie de bonheur nous sont-ils rendus. Perdu, sont-ils rendus? Amour perdu, sont-ils rendus?